Angola, meilleur drummer d'Afrique. Aïe, Junior Bouyibo, Ornel Lukoki, Fiston Massia, Seji Asungani, Robert Lando, Diki La Rose, Hervé Lumeka, Régine Pemele. C'est une bénédiction pour un homme d'avoir un ennemi intelligent. Nayokaki entourage na yo eza kopikisa yo e kolinga na héritier mvwama mwana envwama e amour yanga na yo babengi mesalliance kolobi je n'arriverai jamais à te rendre aise héritier mvwama. Elisala ya Salomo, Florence Sula, Melvin Mayailai. Nayokaki entourage na yo eza kopikisa yo e kolinga na héritier mvwama mwana envwama e inyo yanga na yo e babengi mesalliance. Alobi, je n'arriverai jamais à te rendre heureuse. Gabi original, Christian Ebonda, Jolie Mbie, Alain Miesi, Chanari Don. Otiki bango, héritier, mbwamae, bako sa yo alo, keoyebi vérité. Loko na eva, bako sa kae na serpent. Blaise Boutelesi. Lokuta, c'est vrai, eko sa la. Don Ebonda. Résiré. Faya Basket, Roberna Espérance, Laurette Mpokuta, Mimine Jolie. Tamo Boutoué, Naka Héritier, un petit mot d'amour, Natine la Kayo Souata. Mon colonna soit qui répond sur Tine la Kinga Ivoama. Esamae, Bopana Bimawa, Mama. Amigo Jenny, Tambuanda, Serge Paloko, Vincent Wikele. Haïti, les 17 planètes. Kayama, mon imaï. Nazola, la théo. Jolie picha. Nazola, la lissoussou. Kolina, yo, joka, saji. Vati, mamboulo. Héritier, mbouama. Kayama, héritier. Nazola, la théo. Kaba Kabasu, Samir Seke, Gonset Sitae, Kabo Mouluba. La Koko Kate, Komo Namboama, Namo Soussou, renoncé à ton amour, Iré. Trésor Mwanza, Ya Nicolas, Firmé Filangoma. Je te promets, si la lune serait avant un jour, n'a pas sombré la yo, ton boulot n'a pas soi, n'a jamais fait pas les bonnets. Héritier, vois-moi. Brino Lubika. Bayawa, Chibo. N'a sonné la théo. N'a sombré la soussou. Oluka Pipo Zena. Landry Bedel Kikopo. Serge Kamba, héritier Mwama, aïe. J'étais déjà pauvre, car tu m'allais jamais. L'héritier Mwama, maman, n'est pas comme ça là, et comme tu m'as malhéré. Et vous déquez. N'a pas dit qu'on est là, n'aïe, mon connaissima. Pas si n'a pas de choix, n'a pas de espérance. Tiké la nata, n'aïe, puis ça y est, au cassage. Aussi, mon lèle, qui gokimana. La vérité, quand elle a ses beautés, apprivoisez-moi, apprivoisez-moi, maman, apprivoisez-moi, je t'ai senti, apprivoisez-moi. Dis qu'elle a ta monnaie, et puis ça y envoie pas, continue, qui compte qui m'en a passé. La parole, c'est souvent confesse, c'est la vérité. Apprivoisez-moi, héritier. Apprivoisez-moi, maman. Apprivoisez-moi, je passe à G. Apprivoisez-moi. J'ai fou la mambo. Olingina kufa pona. Bolingo na yui. Jack Nati tanika kufa pona. Les héros RQ et Achille sont morts par amour. Jésus de Nazareth a kufa pona bolingo. Ma totoli ma kamingi. Pour mon débat, pour ma kamite. Yeah, we live on me. Mungasia, Christian Lulendoe. Motoma koya matalinga na mokongo na ebiye paya utite. Alo bikomo na erismakai, azolo bandetiyo. F6 Malto. Azo